Pages arrachées à Jean Rouault. La vie poétique, autobiographie littéraire en cours d'écriture. Extrait choisi par Julie Aminte. Quatrième épisode, Adi, je m'en vas. Quoi écrire quand on s'appelle Jean Rouault et qu'on a 20 ans dans les années 70 ? Certainement pas un roman, dénoncé comme bourgeois et obsolète par les animateurs de la scène politico-littéraire de l'époque, Roland Barthes en tête. Mais en un sens, cet interdit du roman traditionnel fait l'affaire de notre jeune auteur. Pas de récit, pas de divulgation des origines. Et quand on vient d'une famille de petits commerçants catholiques, que l'on a grandi dans une commune réactionnaire, l'économie de l'aveu tombe à pic. Ainsi, le jeune Rouault, à l'écoute de son temps, désireux d'appartenir au clan des modernes, focalise toute son attention sur le comment de l'écriture, c'est-à-dire sur la forme, le style. Les chansons qu'il compose alors, tout comme ses harmonies musicales, deviennent de plus en plus abstraites, tarabiscotées, solennelles. Car à ses yeux, se raconter est vulgaire, nommer les choses par leur nom, apoétique. Dans l'épisode qui va suivre, extrait du quatrième volet de La vie poétique, Être un écrivain, Jean Rouault revient sur un événement qui a bouleversé sa manière de voir et d'écrire. Nous sommes en juillet 1973. Le jeune étudiant en lettres vend beignets et glaces sur une plage de la côte atlantique. Un soir, muni de sa guitare, il se présente à un concours de chant amateur organisé par le Casino des Sables d'Olonne. À peine a-t-il entonné ses premières paroles, toute enfance est un malentendu, un tumulte au front de l'innocence, qu'il s'interrompt et quitte la scène, soudainement convaincu du ridicule de sa posture. Quelques semaines plus tard, en rupture avec l'hermétisme lyrique qu'il pratiquait jusque-là, le jeune Rouault invente sa première chanson autobiographique, laquelle se contente, avec des mots et des accords simples, de raconter son séjour estival. Séjour marqué par la rencontre au camping d'une jolie jeune femme du Berry, lançant chaque soir, avant d'aller dormir, l'expression patoisante « Adi, je m'en vas », qui donna son titre à une de ses chansons. C'est pendant une de ces phases de retour sur ma jeunesse où, penché sur ma guitare, je tente de reconstituer quelques-unes des dizaines de compositions de ce temps, dont il ne me reste que des bribes, un vers, une ligne mélodique, qu'est remontée sous mes doigts l'expression « Adi, je m'en vas ». Bizarrement, j'en avais fait une chanson, prenant radicalement le contre-pied des précédentes, pour lesquelles j'étais capable d'inventer des couplets que j'aurais été bien en peine d'expliquer, et qui racontaient cette fois, sans le moindre après, le simple journal de bord d'un mois de juillet sur la côte atlantique où, les après-midi de mes 20 ans, j'arpentais la plage en vendant des glaces et des beignets. Une chanson dont, me la présenterait-on aujourd'hui et me souvenant de mes conceptions d'alors, je jurerais de bonne foi ne pas être l'auteur. Je considérais comme parfaitement vulgaire et apoétique de se raconter, de dire communément les choses en les nommant par leur nom. Cette chanson rudimentaire, à la limite de la carte postale de vacances, ne pourrait donc être de moi. À cette assaise poétique, j'avais associé dans un même souci de dépouillement trois accords de guitariste débutant, do, fa, sol, quand d'ordinaire j'affectais les harmonies tarabiscotées. L'ensemble paroles et musique se présentant comme un pur exercice d'humilité par lequel je renonçais à briller. Et il n'est pas impossible que cette expression patoisante qui donne son titre à la chanson « Adi, je m'en vas », brandie comme un manifeste qui n'eut d'autres militants que moi, fonctionne de fait comme une sorte de clapet poétique dont je vois bien aujourd'hui qu'il a déterminé un avant et un après de mon écriture, où la chanson a joué le rôle de franc-tireur et qui marque comme, oui, une madeleine. Ce point de bascule par quoi le narrateur de la recherche, au-delà de sa remontée dans le temps que l'on met toujours en avant, passe d'un monde cérébral, préoccupé de questions philosophiques et artistiques, à l'appréhension d'un univers sensible, attentif au grain des choses et des êtres. Et moi, d'une langue alambiquée, abstraite, tournant le dos au réel, à une langue accueillant tout simplement la vie. C'est toujours un étonnement en montagne, au franchissement d'une crête, de découvrir comment le paysage passe soudain du rouge rhododendron au jaune des genêts, du vert de l'Alpe à l'ocre d'un pierrier, de la prodigalité à l'aridité. Et même le ciel là-haut s'arrange pour marquer cette coupure, les nuages s'arrêtant au sommet pour laisser sa place au bleu le plus pur. Les montagnards trouveront ma description un peu exagérée, mais c'est le souvenir que j'ai gardé de mon passage au port de Salex, en Ariège, cet été où je fis tomber mon sac à dos dans un torrent, après m'être retourné pour en défaire les sangles, le sac en appui sur le muret, déséquilibré par son poids, basculant dans le vide, emporté à vive allure par le flot impétueux dévalant la pente, et j'eus beau courir le long de la rive, rentrer dans l'eau glacée, tendre désespérément le bras, il fit là au large et je ne le revis plus. Je ne vais pas prétendre que de cette ligne de partage des eaux passant au niveau de la mer et traversant la Seine d'un casino d'une cité balnéaire, il en était de même. Que je passais brutalement de l'Adret à l'Ubac, de l'ombre à la lumière, de la confusion à la clarté, de l'univers du rêve à la réalité de la vie. Mais si on place côte à côte tumulte de l'enfance et « Adi, je m'en vas », quand on sait, moi exclusivement, qu'il n'y a que 4 ou 5 semaines entre les deux chansons, au jeu des ressemblances, c'est le jour et la nuit. Et la nature du changement saute aux yeux. Non plus rien à voir qui vaille la peine d'être recensé autrement que dans un magma ténébreux au bord de l'inconnaissable, mais tout à voir, à n'en pas perdre une miette. Et voir quoi ? Le monde sans phare, tel qu'il se donne. Celui dont le politburo refusait obstinément la présence dans le texte, prétendant que tout est affaire de langage, en quoi la représentation vaine de la vie n'avait pas sa place, qu'un texte n'était qu'un palimpseste, propitiatoire si on y tient, procédant par recouvrements successifs, ce qui voulait dire une chaîne de scribes penchés sur l'épaule l'un de l'autre depuis l'aube des temps, se raturant l'un après l'autre, quand, sur le versant ensoleillé du monde, on agitait, par exemple, une main gracieuse en signe d'adieu, avant de regagner la caravane familiale sous la lumière poudrée des lampadaires. Quatre ou cinq semaines. Le temps d'en finir avec les beignets et les glaces, de traverser la France d'ouest en est en autostop, la guitare en bandoulière, de faire halte au pays d'Adi, de redescendre voir les cousins à Aix-en-Provence, de rater, pour cause de coma éthylique, les manifestations s'opposant à la présence de l'armée sur le cause du Larzac, de repasser par le pays d'Adi et sur la route du retour, de composer ce journal chanté d'une aventure sablaise. 4 ou 5 semaines entre l'interruption du casino sur ce malentendu de l'enfance et l'écriture d'Adi, je m'en vas. Autant dire pour moi, une révolution poétique. De l'abandon d'une façon de raconter pour une autre. La première façon de raconter, vous la trouvez pendue au cintre quand vous débarquez dans le magasin littéraire du temps. Le langage gourmet, ou l'aventure textuelle pour mes 20 ans. Autant de standards en vogue qui étaient une réponse formelle, forgée par la génération précédente au questionnement de leur époque, laquelle n'est évidemment plus celle de la génération suivante, de sorte qu'elle est, cette réponse, comme ces costumes paternels qu'on tente de retailler pour les fils. Inutile de tuer le père quand l'habit ne va pas. Assez de front rouge, assez d'appel au meurtre. En revanche, on peut se débarrasser du costume. Par cet arrêt brutal, sur la scène du casino des Sables d'Olonne, j'avais agi comme ces rockstars balançant leurs chemises dans la foule. Je m'étais retrouvé nu, symboliquement nu. On comprend mieux dès lors mon empressement à me retirer de l'estrade sans attendre. C'est de mon bel habit du dimanche que je venais de me débarrasser. Par habit du dimanche, nous entendons un usage ancien qui voulait qu'on marque une différence entre le jour du Seigneur et les autres jours de la semaine, entre le jour de recueillement et les jours de labeur, qui voulait que pour honorer le Seigneur à l'Église, on délaisse les tenues crasseuses, usées, rapiécées, avec lesquelles on allait au champ ou à l'atelier, pour se vêtir de ses plus beaux atours. Et pour ne pas céder à la tentation de travailler en douce, ces beaux habits du dimanche, on les rendait raides, empesés, gênants aux entournures. D'où l'obligation de tomber la veste, de remonter ses manches, de défaire sa cravate, avant de plonger dans le moteur, capot levé, d'une automobile en panne. Ce qui constitue une image familière de mon enfance. Un langage gourmet est ainsi une langue du dimanche qui gêne aux entournures et empêche de saisir le monde. C'est du latin d'église. Or, le latin, on le sait, est une langue morte, comme le langage gourmet. Comment cette langue endimanchée, conçue pour psalmodier, pourrait-elle rendre compte des six jours laborieux où l'injure vient plus souvent à la bouche que la prière? Pour ces jours de la semaine, faudrait-il inventer la langue de la terre et du cambouis sous les ongles? Comment parler vrai du monde vrai? Dans quelle langue? Avec ses corollaires. Faut-il par exemple écrire mal quand les gens parlent mal, afin d'être fidèle à la réalité et ne pas se couper d'eux quand ils sont la figure du peuple au nom duquel on fait la révolution? Et par parler mal, nous entendons bien une langue qui prend des libertés avec le vocabulaire, la grammaire et la syntaxe du dimanche, qui fait des fautes. Le dimanche, c'est bien le jour où l'on se repent des fautes de la semaine, non? Or, on parle d'une langue fautive quand elle ne respecte pas la loi des maîtres. La loi du Seigneur? Pas difficile d'en conclure que le langage gourmet est réactionnaire et qu'il faille supprimer la notion même de faute pour avancer vers la révolution. La révolution est-elle condamnée à parler mal? Ce qui pour moi revenait à ceci. Comment me délester de la langue des maîtres en rhétorique et faire rentrer la vraie vie dans une chanson? La vraie vie, qui n'est pas du côté de ces chanteurs vociférants, ne ratant pas un pied, se rengorgeant d'une rime osée, et qui, tout en jouant de la guitare, trouve le moyen de lever un point farouche. Non. La vraie vie qui agite gracieusement la main, dans une courte robe fleurie, ce qui, jusque-là, ne paraît pas insurmontable, mais en lançant a dit « je m'en vas », par quoi on se dit adieu dans le Berry. Et là, les difficultés commencent. Avec cette irruption des paysans de Molière au grand bal des modernes. Une épreuve, oui, une violence à soi-même, où l'on ne se préserve plus derrière les oripeaux officiels du temps, où l'on choisit de s'exposer au ricanement, à l'humiliation, au nul et non avenu. Car c'était une chose de ne plus vouloir du malentendu de l'enfance, de comprendre absolument que cette préciosité poétique écartait de la vie réelle, c'en était une autre d'inviter du jour au lendemain le fautif « je m'en vas » dans son refrain. Ce qui revenait à asseoir sur le trône, à la place du prince déchu, le roi des paysans. Ce qui va d'autant moins de soi quand on vient d'un pays rural, qu'on a entendu maltraiter la langue et le vocabulaire au point que certains mots de patois nous étaient incompréhensibles, que les entendants ont prenait un air presque offusqué, nous couvrant le nez d'un mouchoir, nécessaire, parfois, après le passage de certains qui se lavaient une fois l'an dans un dé à coudre, notre mère se précipitant sur son vaporisateur d'eau de Cologne pour assainir l'air du magasin, quand on a tout fait pour se distinguer de ce mal-parler des campagnes et pour ne pas être confondu avec lui, adoptant ce vaporisateur poétique pour dissiper les malentendus de l'enfance. Ce qui revenait à remettre la langue dans son missel sacré. De sorte que, pour faire rentrer la courte robe fleurie dans une chanson, il me fallait me débarrasser de la langue du Seigneur et des Seigneurs, accepter d'être pris pour celui qui parle mal, autrement dit, me rejeter du côté des réprouvés. affronter la fureur des censeurs du Politburo. Mais le parti de la vie était à ce prix. Et sans doute que le voyage qui a suivi, avec ses longues attentes au bord des routes, avec ses nuits à la belle étoile enroulées dans un duvet, avec ses matins de rosée où une lueur abricot annonçait le jour par-dessus la colline, avec ses phases de désespoir à la nuit tombante, où l'on se demande ce que l'on fait là sous la coupole enténébrée d'un arbre, quand on pourrait être douillettement dans son lit. Avec cette exaltation de l'aube, au moment de faire chauffer l'eau de son thé sur le petit réchaud bleu. Avec cette ivresse d'une longue journée ensoleillée devant soi. Avec ce chemin qui se dessinera selon le bon vouloir des automobilistes. Avec ce sentiment de liberté libre au cœur. Sans doute que les épreuves du voyage auront aidé à ce passage dans le monde réel, à cet appontage, lequel ne fut pas sans dommage, si je me rappelle l'atterrissage catastrophique sur le causse du Larzac, et même pas sur le causse, à son pied, qui eut pour conséquence, ainsi que pour un accidenté, de provoquer en moi une amnésie de plusieurs heures, due à l'excès de bière et de vin dont il me fallait peu, ne conservant que le souvenir de ma tête embrumée, prise dans une sorte de roulis terrestre et posée sur les genoux d'une jeune fille, amie temporaire des cousins, que je ne revis plus jamais au point qu'il m'est arrivé d'en douter. Peut-être aussi fallait-il cette table rase momentanée de la mémoire pour y installer en force une nouvelle page blanche. C'est sur le chemin du retour vers Nantes, via La Châtre, Le Blanc, Poitiers, Bressuire, que j'ai commencé, tout en tendant le pouce, à retourner les paroles de la chanson d'Adi pour les ajuster à la mélodie la plus simple, reposant sur les trois accords élémentaires du guitariste débutant, ce qui me changeait de mes assemblages de notes alambiquées, toujours sous la menace d'un carambolage sériel, et composé sous un auvent de bus ou en regardant tomber le jour dans un bivouac de fortune. Et de pouvoir dire les choses en toute clarté, sans aucun travestissement poétique, sans la moindre volonté de les graver sur une tablette de marbre, en me contentant de raconter honnêtement les aventures de ce mois de juillet, à la va comme je te pousse, selon la formule qu'aimait employer Diderot, les paroles s'ajustant grosso modo sur la ligne mélodique, me donnait le même sentiment de liberté que mes éveils triomphants du bord des routes. Et pour bien enfoncer le clou, comme un manifeste à usage personnel, comme l'étendard déployé de mon nouvel art poétique, « Adi, je m'en vas » était inclus dans le refrain, de sorte que, privilège du refrain, il revenait 5 ou 6 fois dans la chanson. Quelle victoire sur soi, sur les forces qui régissent le monde, de pouvoir chanter, au lieu du « tumulte au front de l'innocence », l'après-midi, pendant que tu te baignais, je vendais mes glaces et mes beignets. Et de reprendre à pleine voix le refrain « Adi, je m'en vas ». Et à la coda, « Adi, je m'en vas » était remplacé par « Dame, moi, je m'en vas ». Ce qui ne saute pas aux yeux, mais représente une apothéose pour le natif de Loire-Inférieure, puisque « Dame » était l'expression favorite, reprise à toutes les sauces, des habitants de l'Ouest, dont le plus célèbre demeure littératif « Ah bah, dame, oui ». Et coup double pour moi, j'en finissais avec le maniérisme et je reconnaissais humblement que je venais de ce monde-là. Voilà, c'est moi, pleinement reconstitué. Même si j'étais bien conscient qu'il ne s'agissait pas pour moi d'une forme définitive dans laquelle allaient se mouler toutes mes compositions futures. Une expérience limite, ce journal de bord chanté d'un vendeur de beignets. Pas question de passer ma vie au crible de ces trois accords et, après cet épisode estival, de proposer « Je m'en vas de la fac » ou « Être un écrivain » ou « Oui, dame ». Mais un mur était tombé qui me découvrait le monde dans son entier, même s'il me faudrait plus longtemps avant de l'inviter, ce monde, dans mes textes. La poésie n'était pas un moulin. On était prié de se découvrir avant d'entrer. Si la chanson n'était pas la préoccupation du Politburo et permettait toutes les fantaisies, on ne s'en tirait pas aussi facilement dès lors qu'on évoluait sur la terre sacrée, sous le regard impitoyable des censeurs, toujours prêt à lancer une excommunication au moindre soupçon de réaction, rappelant sans cesse leur impérial édit « Le texte a rien que le texte ». Pour s'affranchir de ce regard, il me faudrait encore plusieurs années, avec des avancées et des rechutes, avec des moments semblables à la scène du casino, quand sous la plume, façon de parler, au milieu d'une phrase, arrivait quelque chose comme « sur les bancs de la communale », me disant avec effarement « qu'est-ce que tu es en train d'écrire ? Ta communale, c'était l'école des frères de Plohermel, alors avoue-le, ne te raconte pas d'histoire pour te faire bien voir des censeurs. » Faisant tomber ainsi les taies successives imposées par l'esprit du temps, m'obligeant à ouvrir grand les yeux sur ma réalité nue. Ce qui n'était pas, cette réalité nue, un objectif en soi. Mais c'est par elle, par ce jeu de la vérité, que je pouvais me défaire de tous les diktats de la modernité littéraire et apprendre à parler dans le désert une langue des jours de la semaine. Laquelle n'est pas condamnée au mal parler, sous prétexte qu'elle pousserait la lime, réservant pour le dimanche une métaphore enchantée. Une chose m'étonne aussi, dans « Adi, je m'en vas », m'est revenue une phrase d'un couplet qui évoque les feux du 14, le flic insulté et le commissariat. Les feux du 14, je n'ai pas de mal à les imaginer, rien à voir avec la guerre et une quelconque prémonition de mon évocation future des tranchées, ou si, mais alors on manque de preuves. Feu d'artifice, ici, à l'occasion de la fête nationale, qui devait exploser en gerbes étincelantes au-dessus de la mer. Mais aucun souvenir d'une quelconque visite au commissariat. Ce qui aurait dû me marquer. Détester les flics rentre bien dans mes compétences, mais les insulter, il fallait que la présence de la jolie Adi me donne toutes les audaces. Car si je me réfère encore une fois au garçon que j'ai connu, je ne le vois pas traiter frontalement un agent de la force publique de je ne sais quoi, au point que l'offensé décide d'embarquer illico l'insolent. Mais maintenant, je ne suis plus sûr de rien. À se demander si je n'ai pas occulté cette visite au commissariat, qui ne fut certainement pas un moment agréable, pour sauver cette image déplorable du garçon tremblant que j'avais de moi, et qui correspondait mieux à ce sentiment qui ne me quittait pas de passer à côté de ma vie. D'une vie ratée, en somme, aussi longtemps qu'on ne me reconnaissait pas comme un écrivain. Si je n'étais que celui-là, le raseur de mur, il était de fait plus prudent de ne pas en attendre grand-chose. C'était « Pages arrachées à Jean Rouault », la vie poétique, autobiographie littéraire en cours d'écriture. Extrait choisi par Julia Minte, lu par Jean-Damien Barbin, avec la voix de Fanny Marie. Musique additionnelle à la guitare, Christophe Rodomisto. L'après-midi, pendant que tu te baignais. Quatrième épisode, Adi, je m'en vas. Je vendais mes glaces. Conseillère littéraire Emmanuelle Chevrière. Adi, je m'en vas. Prise de son, montage et mixage Olivier Dupré et Bastien Varigo. Assistante à la réalisation Clémence Gross. Réalisation Sophie Haute-Picon. Être un écrivain, de Jean Rouault, est publié aux éditions Grasset.